Chapitre 39e. Point d'autre salut que la fuite. Dutilleul était prêt à partir quand Patricia tapa discrètement à la porte de son bureau. Il éprouva comme un soulagement, car cette diversion, quelle qu'en fût la cause, était la bienvenue. Il savait parfaitement qu'il se mentait à lui-même, qu'il ne faisait qu'en remettre à plus tard une visite qu'il devrait bien faire un jour ou l'autre, mais il choisit pourtant de la différer. « Monsieur, une dame s'est présentée à l'accueil. Elle n'avait pas de rendez-vous, mais, comme c'est Francine Cartier, j'ai pensé que peut-être... » Pour tout dire, Dutilleul ne voyait pas vraiment qui pouvait être cette Francine Cartier, qui semblait soudain si importante. Comme toujours, Patricia comprit que son chef ne faisait pas le lien. Aussi se montra-t-elle plus explicite, ce qui permit à Dutilleul de situer sa visiteuse. « Vous m'avez demandé de la contacter car vous vouliez savoir si cela lui était possible de venir à Paris. C'est au sujet de la petite fille abandonnée au Luxembourg. Marie, Marie von Gunberg. » « Quoi ?» dit Patricia Martineau, sincèrement surprise. « Vous connaissez son nom ?»« À présent, oui, hélas. Vous pouvez effectivement faire monter Francine Cartier. Elle n'a pas été longue à réagir, signe qu'elle peut avoir des choses très intéressantes à me dire. » Patricia Martineau introduisit un tout petit bout de femme qui compensait allègrement le manque de centimètres en hauteur par un très grand dynamisme. La poignée de main fut ferme et franche, accompagnée d'un beau sourire. Visiblement, Francine Cartier se rendait à cet entretien de très bonne grâce, et soudain Dutilleul se sentit plus léger. Il avait l'intuition que l'accouchement se passerait sans douleur. Comme l'avait annoncé son ami, dont hélas il avait momentanément oublié le nom, Francine Cartier avait dû être une jolie blonde au corps très menu, mais certainement bien dessinée. Elle avait gardé quelque chose d'enfantin, d'espiègle. Avec elle, on ne devait pas s'embêter, car elle respirait la joie de vivre. « Je me suis présenté tôt, monsieur le commissaire, car je ne vous cache pas que j'ai très envie d'aller faire du shopping. Ordinairement, je me satisfais pleinement de ma Touraine. Cependant, niveau commerce, elle ne peut rivaliser avec Paris. J'ai une liste de courses longue comme mes deux bras à faire. » Dutilleul se surprit à rire de ce bon mot qui brisa instantanément la glace. Il n'en sortit pas moins la faute de Marie. Quand Francine Cartier l'aperçut, son visage se fit grave, ce qui pour Dutilleul était incontestablement un bon point. Son interlocutrice n'était pas une hurluberlue. Elle savait très bien faire preuve de concentration quand il le fallait. « Sabine m'avait prévenu de la ressemblance, mais je ne pensais pas que c'était à ce point-là. Je me suis un peu moqué d'elle quand elle m'a dit qu'il n'y avait pas d'erreur possible, parce qu'après toutes ces années, j'ai seulement oublié une toute petite chose qui a aujourd'hui toute son importance. Sabine a toujours eu une excellente mémoire visuelle, un véritable appareil photo. Alors vous confirmez à votre tour ? Oh oui, il n'y a pas d'erreur possible. C'est comme si cette petite avait pris le meilleur des deux. » Ainsi, elle a l'allure de sa mère, mais heureusement, elle n'a pas hérité de son regard globuleux. Les cheveux et les yeux sont ceux de son père, même s'ils sont un ton plus clair, ce qui les rend si lumineux. La bouche est celle de sa mère. C'est sans doute ce que Marieke avait de mieux. Une jolie bouche bien dessinée. Les lèvres n'étaient pas trop fortes. Le nez est celui de son père, bien droit et pas trop large, et les dents sont celles de Marieke. Elles sont caractéristiques car presque carrées. Vous souvenez-vous du nom du probable papa ? Il sera assez difficile de l'oublier. Olaf Christianson. Olaf, la main baladeuse. Dieu que je détestais ce type. Ça a été immédiat. Il ne cessait de me courir après, alors même que je lui avais tout de suite fait comprendre que je n'étais pas intéressé. Pardonnez-moi l'expression, monsieur le commissaire, mais c'était le genre de type qui voulait juste tirer un coup, pour l'hygiène, comme on dirait aujourd'hui. Pour ma part, je trouvais cela révoltant. C'est la raison pour laquelle j'évitais d'avoir le moindre contact avec lui. En plus, il était d'un radin. C'était le genre à se payer sur la bête, alors que pourtant j'étais très bien placé pour savoir qu'il avait un salaire des plus confortables. Seulement, Bobonne devait veiller au grain. Elle devait connaître l'animal. Il n'avait jamais de liquide sur lui, et Marieke était bien stupide de le dépanner. Je l'avais pourtant bien prévenu. Elle n'avait rien à en attendre. Justement, votre ami m'a dit que vous connaissiez assez bien Marieke von Gunberg. » Pour la première fois de l'entretien, Francine Cartier montra une certaine réticence. « Assez bien, je n'irai peut-être pas jusque-là. tant elle était effacée. Elle ressemblait à une petite souris perdue dans un endroit beaucoup trop grand pour elle. En revanche, je connaissais très bien sa meilleure amie, Lotte Kepring, une Allemande. Une fille très chouette. C'est elle qui m'a mise au parfum pour Marike. On allait souvent prendre un coca ensemble le soir avant de rentrer chez nous. La raison en était simple. Nous étions toutes deux célibataires et nous n'étions pas si pressées de retrouver nos petites chambres de bonne, surtout au beau jour. On préférait de beaucoup faire du lèche-vitrine, même si, l'une comme l'autre, nous n'avions guère de moyens. On se contentait de regarder et de rêver, ce qui ne faisait de mal à personne, même si les vendeuses nous regardaient de travers. On riait beaucoup. Lotte s'extasiait littéralement devant les pâtisseries françaises. Il fallait qu'elle les goûte toutes. Elle leur mettait des notes. Elle venait de Berlin-Est, et même si elle n'en parlait pas, je sentais bien que la vie n'avait pas dû être facile tous les jours. Elle était en France depuis environ 5 ans et n'avait aucune intention de regagner l'Allemagne. Je crois qu'elle n'avait pratiquement plus de famille. Elle ne rêvait que d'une chose, s'établir définitivement ici, et elle a fini par y parvenir. Elle a épousé un très gentil monsieur Rivet à qui elle est toujours mariée à ce jour. Elle vit à côté de Paris et, à chaque fois que j'ai affaire, c'est chez elle que je séjourne. Pour en revenir à Marike von Günberg, vous me disiez que Lotte Kepring vous avait mise au parfum. Pouvez-vous être plus précise ? Francine Cartier eut alors un charmant sourire. « Oui, naturellement. Mais surtout n'hésitez pas à me reprendre si je me perds dans mes explications. » Un soir, donc, je suis allé dans une nouvelle pâtisserie avec Lotte. Je me rappelle encore que c'était du côté du bassin de l'Arsenal, quartier que je ne connaissais pas trop, mais qui semblait familier à Lotte. Elle a choisi sa pâtisserie favorite, un Paris-Brest, tandis que je commandais une tarte au citron. À vrai dire, je ne sais plus très bien ce qui nous a conduit à parler de Marike von Günberg. Cependant, si je ne me souviens plus précisément de ma réflexion de départ, je n'ai pas oublié la réaction de Lotte. Elle était profondément choquée. Comme ce n'était vraiment pas dans ses habitudes, je l'ai poussée à s'expliquer et, petit à petit, elle a fini par me faire part de la très triste situation de Marike. Bien sûr, elle n'est pas rentrée dans les détails, je ne le lui demandais pas, mais elle m'en a dit suffisamment pour que mon attitude change du tout au tout vis-à-vis de cette dernière. Quelle était cette situation, du moins si cela ne vous fait trahir aucun secret? Comme je vous l'ai dit, je n'ai absolument pas cherché à entrer dans les détails, tant le peu que j'appris me paraissait déjà bien pénible. Il semblait que Marike avait un père épouvantable, autoritaire au-delà de tout ce qui pouvait se concevoir. Ainsi, il n'avait pas hésité à divorcer de sa femme au prétexte que celle-ci buvait. Marike avait environ 5 ans. Le fait était vrai. Mais le père l'avait grossi à l'extrême, afin de pouvoir s'en débarrasser au plus vite. Il avait fabriqué de toutes pièces des témoignages pour noircir encore le tableau. Le pire de tout, c'est qu'il se montrait toujours très prévenant avec sa femme, afin que tous puissent témoigner de l'exemplarité de sa conduite. Francine Cartier poursuivit ses explications. Une personne, heureusement, n'était pas dupe de ce manège, sa propre mère. Elle était l'actionnaire majoritaire dans la brasserie familiale et elle connaissait mieux que personne le véritable visage de son fils. Pendant des années, celui-ci avait cherché, toujours par des moyens détournés, à la déposséder de ses parts, mais la dame était encore jeune et avait la tête solide. Pour avoir la paix, elle avait menacé son fils de lui couper les vivres s'il continuait ses agissements. Il avait bien tenté de nier ceci, mais Madame von Günberg avait des preuves solides. Elle avait recueilli nombre de témoignages, ne laissant aucun doute sur les intentions réelles de son fils, qui souhaitait purement et simplement l'évincer de la direction des affaires au prétexte qu'il avait fait de bonnes études. Le divorce fut prononcé, mais la mère de Marike s'en sortit honorablement. Madame von Günberg lui versa sur sa cassette personnelle une rente suffisante pour qu'elle puisse prendre un appartement et vivre correctement. Elle insista également auprès de son fils pour que Marike puisse voir sa mère assez régulièrement. Là, elle fut plus ou moins entendue, plutôt moins d'ailleurs, car Marike se retrouva soudain inscrite à tout un tas d'activités qui ne lui laissèrent plus guère de temps pour voir sa mère. Comme la petite fille était heureuse, Madame von Günberg n'insista pas. Elle ne pouvait constamment se battre avec son fils et de toute façon, la querelle devint bientôt sans objet, puisque la mère de Marik s'est prise d'un autre homme. Elle parut s'établir du côté de Liège, en Belgique. Marik avait environ 11 ans. C'est alors que toute la duperie du père apparut au grand jour, car du jour au lendemain, toutes les activités cessèrent. Marik souffrit beaucoup du fait de ne plus faire d'équitation, et elle perdit la plus grande partie de ses amis à cette occasion. Dès lors, elle se replia sur elle-même, fuyant son père le plus possible, car elle avait compris depuis très longtemps qu'il ne l'aimait pas. Les années passèrent ainsi jusqu'à ses 17 ans, année où son père sembla soudain se rappeler de son existence. À l'entendre, il fallait au plus vite qu'elle remplisse la fonction pour laquelle elle était venue sur terre, avoir des enfants. Il fallait qu'elle contracte le mariage le plus avantageux possible afin de renforcer la position de la brasserie. Inutile de dire que Madame Van Gunberg n'était guère favorable au projet de son fils, mais elle préféra se tenir en retrait afin de voir comment la situation évoluerait. Un prétendant fut assez rapidement trouvé. Que l'homme fût violent et rustre n'avait que peu d'importance. Il possédait une assez jolie brasserie qu'il serait aisé d'absorber le jour venu. Certes, la situation financière n'était guère brillante, mais les installations étaient en très bon état et certains employés étaient incontestablement capables. Si le prétendant était tout à fait prêt à épouser Marik au plus vite pour le cash flow qu'elle amenait avec elle, celle-ci ne voulait pas entendre parler de cette union. Elle avait suffisamment soupé de l'autorité de son père pour ne pas subir le joug d'un mari. Cependant, elle joua très finement, car il n'était pas question d'alerter son père sur ses réelles intentions. Elle ne changea rien à son comportement. Elle se montra froide et renfermée, ne parlant pratiquement pas. Son père, pour une fois, ne tenta pas de faire pression, pensant sans doute que sa fille acceptait son sort sans broncher. Cependant, dans l'ombre, Marik agissait. Elle avait obtenu de travailler un peu à la brasserie, elle tenait les comptes, et gagnait un peu d'argent. Même si ce n'était pas grand-chose, cela lui permit de s'enfuir en pleine nuit et de prendre le dernier train pour Amsterdam. Une fois sur place, elle appela sa grand-mère à la rescousse, qui lui conseilla de prendre une chambre dans un quartier modeste de la ville et surtout de ne sortir sous aucun prétexte. Naturellement, le papa, profondément vexé, ne manqua pas de venir tempêter chez sa mère, mais celle-ci joua si bien les innocentes que le fils finit par se lasser. Il savait bien qu'il lui était impossible de surveiller sa mère. Cependant, il n'eut aucune raison de s'inquiéter, car celle-ci ne changea rien à ses habitudes. Elle ne quittait guère sa maison que pour se rendre au marché une fois par semaine. Secrètement, en revanche, et grâce à des complicités dont son fils ignorait tout, Madame Gunberg organisa et paya l'installation de Marik en France. C'est elle aussi qui lui paya des cours de secrétariat et, le moment venu, la fit embaucher chez Petroleus. On peut dire que de ce jour-là, la situation de Marik s'améliora. Du moins, jusqu'à ce qu'elle tombe sur ce maudit Olaf Christianson.